Donc, je pense pas. C'est la première fois qu'on va étudier un livre de l'Ancien Testament à part les psaumes ensemble. J'ai hésité parce que c'est. Il y a toujours un risque d'enseigner l'Ancien Testament. Toujours un risque parce que les chrétiens ont de la misère à faire la part des choses entre le vieux et le nouveau. Mais on va se risquer. C'est un petit livre. Fait que si je me plante, je ne me plante pas longtemps. Parce que je me souviens de mes premières expériences dans mes études de l'Ancien Testament, quand j'étais au séminaire. Et les étudiants qui étaient comme moi, les plus jeunes chrétiens, on pétait des coches à chaque fois, ou presque, parce qu'on ne comprenait pas le prof dans quelle direction il allait. Et on avait l'impression qu'il changeait les Écritures, parce que tout d'un coup, la Bible disait ça, mais elle disait plus ça parce que c'était dans l'Ancienne Alliance. Et là, il y avait. Puis vous remarquerez que parmi les mouvements évangéliques, où est-ce qu'on a beaucoup de différences avec eux autres? Les différences viennent de notre interprétation de l'Ancien Testament. Donc, beaucoup de gens qui croient, qui enseignent, mettons, que le chrétien doit donner sa dîme, ça vient tout de l'Ancien Testament. Ouais. Beaucoup qui enseignent la santé, la prospérité, vont chercher dans l'Ancien Testament. Donc, il y a une difficulté, là. Il faut faire attention. Entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance, il y a juste une page de notre Bible, mais il y a tout un monde, là, entre les deux. Mm-hmm. Il faut faire attention de ne pas mal interpréter cela. Donc, on va essayer de lire un livre qui s'adresse à des gens qui ne sont pas dans la Nouvelle Alliance. Jésus n'est pas encore venu. Il n'est pas mort sur la croix. Donc, faut le lire, il faut se mettre dans la peau de ces gens-là, puis essayer de comprendre qu'est-ce que Dieu voulait. C'est pas différent de l'Ancien Testament, mais c'est un langage du Nouveau Testament. C'est le même enseignement. On avait un Dieu de grâce dans l'Ancien Testament, puis on a un Dieu de grâce dans le Nouveau Testament. Mais c'est deux approches un peu différentes. Donc, et là, Dieu s'adresse à des gens qui n'ont pas vécu ce que nous, on a vécu. Mais ça va nous aider à comprendre. Si on ne comprend pas bien l'Ancien Testament, on va avoir de la misère à comprendre ce que Jésus a dit dans le Nouveau Testament. Parce que Jésus a parlé à des gens qui connaissaient l'Ancien Testament par cœur. Donc, c'était nous autres, souvent, quand on est dans le Nouveau Testament, beaucoup des gens qui n'ont pas connu ça, on va faire dire à Jésus, ou on va interpréter les paroles de Jésus faussement. Faussement. Parce qu'on ne tient pas compte du bagage qu'avaient les Juifs quand Jésus leur parlait. Donc, il faut bien se mettre ça dans la tête, qu'on va essayer de comprendre ça ensemble et d'en tirer des leçons. Parce qu'il y a juste une leçon à apprendre dans tout ce petit livre-là. Et bien, c'est un petit livre de deux chapitres. Mais il y a juste une leçon à apprendre. Et que Dieu veut leur parler, veut leur dire quelque chose au peuple juif. Et il va envoyer le prophète âgé pour leur parler. Okay? Donc, on va essayer de faire un petit survol pour arriver au prophète âgé. Le peuple d'Israël a sorti de l'Égypte. Ça, c'était bien longtemps avant, mais il ne fallait rien, il faut comprendre. Ils sont sortis de l'Égypte. Et dans la sortie de l'Égypte, Dieu leur a promis la terre promise. Donc, ils sortaient de l'Égypte pour aller vers la terre promise. Et on sait que ce qui devait prendre 11 jours de marche, 11 ou 12 jours, peut-être 2 semaines de marche, a pris 40 ans finalement. Okay? Donc, Israël a eu des petits problèmes avec ce que Dieu voulait faire. Et finalement, ils ont passé 40 ans au désert. Et tous ceux qui ont sorti de l'Égypte, vous savez comme moi, tous ceux qui ont sorti, n'ont jamais entré dans la terre promise, c'est les deux. Josué et Caleb. Juste deux. Hey, c'est pas une petite histoire. On pense qu'on est sorti quelques millions de là. Deux sont entrés. Deux. C'est dit que la meurtre. Deux de ceux qui étaient partis. De l'Égypte. Ouais, c'est ça. Mais il y a une génération. C'est parce qu'après, il y en a qui sont nés en chemin. Deux qui ont sorti. Ils sont sortis des millions avec une promesse du pays de Canaan. Puis il y en a juste deux qui ont rentré. Mm-hmm. Il y a d'autres, ceux qui sont nés pendant les 40 ans, oui. Mais même plus, parce que ceux qui sont morts, là, c'est ceux qui avaient en haut de 20 ans. Entre 20 ans et plus. Ceux qui avaient de moins de 20 ans, c'était des enfants. Ils étaient considérés comme des enfants. Les autres ont rentré au pays canadien. Ils ne sont pas morts dans le désert. Donc, c'est les 20 ans et plus qui sont morts dans le désert. Okay? Okay. Donc, les moins de 20 ans, qui se sont aussi procréés, probablement, puis qui ont eu des enfants, les autres sont rentrés. Fait que ceux qui avaient 20 ans, il y avait 60 ans après 40 ans. Ouais. Okay, donc, il y avait des gens de 60 ans, puis il y avait des jeunes qui rentraient aussi. Mais ils ne sont pas rentrés finalement. Et ensuite de ça, on a eu ceux qui sont rentrés. Dieu leur a dit, si vous voulez rester ici dans le pays de Canaan, il leur a mis une condition. Vous n'imiterez pas les nations. Il y a des nations dans le pays de Canaan. Et il dit, vous allez vous en débarrasser de ces gens-là tranquillement. Et c'était pour être fait à long terme, parce que c'était juste des idolâtres. Ils n'adoraient pas Dieu, ils n'adoraient pas. Ils n'avaient pas la même foi que les Juifs. Donc il dit, vous allez les pousser, les envoyer devant vous autres. Puis le seul but que Dieu voulait, c'était de protéger son peuple contre l'idolâtrie. Il dit, si vous restez avec eux autres, si vous vous mariez avec eux autres, si vous faites des... Il dit, vous allez probablement finir comme eux autres. Et là, je vais pouvoir faire de quoi, vous trouver de faire de quoi avec eux autres. Mais ils ne l'ont pas fait. Et là, ils ont, à travers les générations qui ont suivi, ils sont devenus idolâtres à leur tour. Ils sont devenus idolâtres à leur tour. Et Dieu les a chassés. Là, c'est la déportation qui est venue, la déportation du nord, le nord d'Israël. Ils sont partis en Assyrie ou en Syrie. Et le sud est parti à Babylone. Okay, donc, le pays de Canaan s'est retrouvé quasiment comme vide et peuplé par d'autres peuples, d'autres races mélangées qui ont fini par prendre Israël, le peuple d'Israël. Et environ 530 avant Jésus, 500 ans avant Jésus, là va venir notre prophète Agée et le retour. Il va une gang qui va revenir. Dieu va libérer une gang de monde. Ils vont revenir en Israël. Sous, si vous êtes dans le verset 1, la seconde année du roi Darius. Voyez-vous? Donc, le premier du sixième jour de la parole de Dieu fut adressé à donc, sous le roi Darius, il y a une gang qui sont revenus. Okay? Une gang parce qu'ils étaient en deux endroits séparés ou une gang de la gang qui était à Babylone? C'est la gang de Babylone qui sont probablement revenus, qu'on pense. Okay. Quand tu dis une gang, est-ce qu'il y a une autre gang qui est allée? Les Syriens. Mais il y a une gang parce qu'ils ne sont pas tous revenus. Il y a juste un petit groupe qui a voulu revenir. Ceux qui étaient installés à Babylone depuis longtemps, ils ne voulaient plus revenir. C'était avec les enfants, ça faisait 70 ans qu'ils étaient là, à Babylone. Donc, ceux qui étaient arrivés à Babylone sont probablement morts. C'est leurs enfants qui se sont établis là, il y avait leur maison, leur commerce. Une grande partie ne sont jamais revenus. Juste une petite minorité, une petite gang qui est revenue. Quand Dieu a dit vous pouvez retourner, ils n'ont pas voulu retourner. Ils sont pas, Dieu ne cache jamais les bras à personne. Donc, ils sont revenus. Et une petite gang sont revenus. C'est parce qu'ils avaient abandonné la foi en Dieu. Ben oui, ils étaient devenus idolâtres. Les parents étaient arrivés là-bas idolâtres. Puis enragés contre Dieu parce qu'ils avaient déporté. Et donc, ils ne sont jamais revenus. Là. Si vous voulez savoir ce qui se passe, allez voir Ézéchiel, il fait partie de ces prophètes-là qui étaient à Babylone. Puis vous allez voir tout ce qui se passe là-bas à Babylone. C'est pour ça qu'il est difficile de comprendre des fois l'Ancien Testament. Il faut comprendre toute cette histoire-là qui se passe en arrière, si on veut comprendre. Puis les prophètes parlent toujours dans un contexte. Nous, on lit les prophètes en dehors du contexte des rois. Puis c'était pendant ce temps-là. Des fois, on lit Ézéchiel comme si on lit le prophète Isaïe. Mais Isaïe a parlé pendant qu'il était à Jérusalem, puis Ézéchiel a parlé pendant qu'il était à Babylone. Si on ne fait pas cette distinction-là, on interprète tout le travail. Et la plupart des chrétiens lisent l'Ancien Testament quand ils le lisent, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui le lisent. Ils ne comprennent pas, puis ça devient une espèce d'histoire. Tout le travail, ils ne comprennent plus rien, puis ils l'abandonnent, puis ils se retournent dans le Nouveau Testament. La plupart des chrétiens vont lire l'Ancien Testament une fois dans leur vie, c'est tout. À peu près une fois dans leur vie, c'est tout. Parce qu'ils ne comprennent pas assez pour que ça fasse du sens dans leur vie. Puis quand ils essaient de l'interpréter, ben, ils partent de travers, parce qu'ils essaient d'interpréter ça comme le Nouveau Testament, sans tenir compte de voir ça. Donc, il faut faire attention. Et là, ce petit groupe-là, à peu près 500 ans avant Jésus, va avoir le retour de l'exil. Et à peu près 10-15 ans après, ils vont construire le temple. Ils vont commencer à construire le temple parce qu'ils sont revenus, on va voir... Vous avez ça, c'est marqué là. Le prophète Azorobabel, fils de Shétiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Josadac, le souverain sacrificateur en ces mots. Donc, ils sont revenus, se sont établis un peu, ils ont travaillé. Il y a un gouverneur qui s'appelle Zorobabel, puis il y a un souverain sacrificateur qui est Josué à ce moment-là. Okay? et à Josué, fils de Josadac, le souverain sacrificateur. Donc, si c'était le fils du souverain sacrificateur, lui était sacrificateur. Donc, il y avait ces deux gens-là. Et donc, ils sont là et ils sont là pour construire le temple d'Israël, le temple de Jérusalem. Il avait été, on va voir, c'est là qu'il avait été envoyé, parce que si vous lisez les autres prophètes, ils ont été renvoyés pour rebâtir le temple. Dieu a permis sous les prophètes de reprendre les instruments du temple, de reprendre les ustensiles, de reprendre tout ce qui appartenait au temple d'Israël. Puis Dieu a mis à cœur au roi de les redonner aux Juifs. Les Juifs ont parti, sont revenus en Israël avec leur affaire, puis ils vont commencer à bâtir le temple. Et ils ont commencé, mais ils ont arrêté. C'est quand ils ont arrêté que le prophète Agé va arriver. Donc, là, Dieu va s'adresser à eux autres, à peu près à l'an 500, ça faisait 538, 500, il y a quasiment 22, 23, 38 ans, parce qu'on recule, là, c'est 538 jusqu'à 500, on s'en va à zéro vers Jésus. Donc, il y a 38 ans de passé. Donc, il y a quasiment une demi-génération, une génération de passé. Et il se passe de quoi? Ça n'a pas marché, là. Donc, c'est... pour une raison, quelqu'un qui a arrêté de bâtir le temple d'Israël. On ne sait pas la raison. Ah oui, on va le voir. Hein? C'est ça qu'on voit. C'est toute là la question du livre de Agé. Toute le livre de Agé, c'est que Dieu va s'adresser à son peuple, puis il va leur dire, pourquoi est-ce que vous ne bâtissez pas mon peuple, mon temple? Et on va voir que pour Dieu, c'est toute la question du livre. La priorité dans la vie du peuple de Dieu, il l'avait abandonné. Et pour autre chose. Et on va voir ensemble la priorité ou la bonne priorité pour le peuple d'Israël selon Dieu. Le peuple d'Israël a abandonné. Puis on va voir que, humainement parlant, ils vont donner toutes sortes de raisons pour justifier. Mais Dieu va dire non. Vous n'avez pas de raison. Mais on va voir ça s'en allant. Donc, on est sous le roi Darius, qui était un des rois des Mèdes, et Cyrus, le roi des Perses. Ça veut dire Darius et Cyrus, les deux rois qui étaient en même temps, les Mèdes et les Perses, on le dit souvent. C'était deux rois qui étaient ensemble. Et Cyrus, les gens sont revenus sur Cyrus. C'est Cyrus qui a renvoyé le peuple. Darius était là quand Agé va venir. Donc, c'est pendant ce temps-là. Mais là, ils sont partis à cause d'idolâtrie. Dieu leur dit, vous pouvez retourner si vous voulez. Et sous Cyrus, il leur donne les ustensiles du temple pour rebâtir le temple. Puis là, il leur fait donner de l'argent. Tous les gens qui sont là donnent de l'argent aux Juifs pour qu'ils retournent. Donc, ils s'en viennent là avec une mission, c'est de bâtir le temple. OK? Et donc, on va voir qu'est-ce qui se passe et pourquoi ça ne se passe pas comme ça et qu'est-ce que Dieu va dire de ça et comment est-ce qu'il va interpréter ça. Et ça va nous aider à nous en tant que chrétien, de voir notre vie à nous autres et notre façon d'évangéliser les gens. Ça touche toujours les deux. Parce que vous allez évangéliser les gens de la même façon que vous percevez votre propre vie chrétienne. Votre vie chrétienne, si vous la percevez d'une telle manière, vous allez évangéliser les gens d'une telle manière. Si votre vie chrétienne, vous la vivez d'une autre manière, votre approche avec les gens va être différente. Puis on le voit, moi, ça fait 35 ans, On voit les différences, mais ça ne fait pas longtemps. Puis si je regarde l'histoire de l'Église, vous allez voir, l'évangélisation fait ça comme ça. Puis elle change de raison d'être à tout bout de champ, selon la génération qui la proclame. Parce que on ne peut pas faire autrement que de prêcher ce qu'on croit, puis ce qu'on vit, hein, personnellement, dans ce sens-là. Dieu appelle le monde à la bonne priorité dans la vie. Dieu, il s'adresse aux Juifs ici, mais à travers les Juifs, s'adresse au monde entier, parce que là, c'est nous autres qui le livre aujourd'hui, on fait partie du monde. Mais si c'était la priorité pour les Juifs, c'est la priorité pour tout le monde, en entier. Et si c'était la priorité du peuple de Dieu dans ce temps-là, ça devrait être la priorité du peuple de Dieu aujourd'hui aussi. Donc, c'est dans ce sens-là qu'il va avoir un intérêt pour nous, parce que Paul a dit, ces choses-là ont été écrites afin que ça vous donne une leçon. C'est une leçon pour nous autres, le Nouveau Testament. En regardant l'Ancien Testament, c'est des images, c'est des histoires, c'est des événements qui se sont passés dans le peuple d'Israël qui nous révèlent la personne de Dieu. Et ça devrait nous donner des instructions pour nous autres qui est dans le Nouveau Testament. Parce que Dieu n'a pas changé. Dieu est le même Dieu. Et ce n'est pas à cause qu'on est sous la grâce que tout coup Dieu n'est plus le même Dieu qui était dans l'Ancien Testament. OK? Donc, Dieu appelle le monde à la bonne priorité. Donc, comment est-ce qu'il va faire ça? Il va s'adresser au peuple. Dieu n'a pas d'autre moyen. Il faut qu'il nous parle. S'il veut nous amener à la bonne priorité, il faut qu'il nous parle. Parce que nous autres, les êtres humains, on va facilement se justifier dans notre façon de faire les choses. Donc, on va relire le verset 1 en pensant à ce qu'on a entendu. La seconde année du roi Darius, le premier jour du sixième mois, la parole de l'Éternel fut adressée à Agé. Fut adressée par Agé, le prophète Arzorobabel, fils de Shéthiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Josadac, le souverain sacrateur, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées, ce peuple dit, Israël, les Juifs qui sont en Israël, ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé le prophète, en ces mots. Est-ce le temps, pour vous, d'habiter vos demeures lambrissées, quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. On va arrêter là, parce qu'on ne se rendra pas là à soir, mais on va arrêter là pour le moment. Ce qui m'impressionne dans ces premiers versets-là, c'est que Dieu connaît la situation qui se passe, il connaît l'être humain, il connaît le cœur des hommes. Dieu n'est pas indifférent. Il y en a qui enseignent ça dans différents mouvements, que Dieu est indifférent. Dieu a créé le monde et il est parti se cacher quelque part. Dieu n'est pas indifférent à ce que les hommes font sur la terre. Puis ce n'est pas juste ici indifférent au peuple juif, parce qu'il va se servir de Cyrus et de Darius, il se sert de tous ces gens-là pareil. Hein. Donc, Dieu n'est pas indifférent et Dieu a un désir depuis la chute d'Adam et Ève de parler au peuple d'Israël. La première chose qui est arrivée après qu'Adam et Ève ont mangé de la pomme, c'est « Où es-tu, Adam? Où es-tu? » Dieu veut parler à l'être humain. Remarquez bien, ce n'est pas vous qui veut y parler. Ce n'est pas moi. C'est lui qui veut parler aux humains. Si ça a resté dans son trou, suivez l'expression, on n'y aurait jamais parlé. Oh, on aurait fait comme les païens, on s'est adressé à toutes sortes d'affaires, mais on n'y aurait jamais parlé comme lui s'attendait à ce qu'on lui parle, parce qu'on n'aurait pas su, on n'aurait pas compris. Donc, mais c'est Dieu qui vient, encore une fois, c'est Dieu qui vient vers Israël. Ce n'est pas les inconvertis qui vont vers Dieu. Jamais ils vont vers Dieu, les inconvertis. C'est Dieu qui va vers les inconvertis. On va voir tout à l'heure qu'il va dire, ici, il va dire à Agé, va, vas-y. Il va dire à Jérémie, vas-y, va parler à mon peuple. Ils ne t'écouteront pas, mais ça ne me dérange pas. Vas-y, il va parler. Quand il apparaît à Isaïe, dans son livre d'Isaïe, il dit, qui enverrai-je? Qui va aller parler pour moi? J'ai quelque chose à dire à mon peuple. Isaïe va y aller finalement. C'est Dieu qui veut parler au monde. Ce n'est pas le monde qui veut parler à Dieu. Et c'est Dieu fait le contraire de nous. Nous, quand quelqu'un nous fait du mal, c'est nous autres qui ne veut plus y parler. On leur tourne le dos. On s'en va. Mais ici, c'est nous qui avons fait mal contre Dieu. Puis c'est nous qui avons tourné le dos à Dieu, puis c'est Dieu qui veut nous parler. Dieu veut nous parler. Et ça, pour moi, c'est la manifestation pure de l'amour. C'est la manifestation pure de l'amour. Il vient vers ceux qui l'ont rejeté, il vient vers ceux qui le haïssent, ceux qui sont ses ennemis, ceux qui se foutent de lui, mais il vient pour leur parler pareil. Et si vous lisez l'Ancien Testament, moindrement, ce mot-là, Dieu a parlé, là, ça revient, La parole de l'Éternel, dans l'Ancien Testament, revient 208 fois, cette expression-là. La parole de l'Éternel. La parole de Dieu revient 51 fois. La parole du Seigneur, 16 fois. Et l'autre expression qui revient plus souvent, c'est « Ainsi parle l'Éternel 276 fois. » Dieu parle. Dieu veut parler. Dieu a une grande gueule, une grande langue. Il veut parler. C'est la chose qu'il veut faire le plus. Il veut parler à l'être humain, chrétien ou non chrétien, mais il veut parler. Et il fait tout ce qu'il peut pour parler à l'inconverti. Et quand que, finalement, cette personne-là va écouter et qu'il va devenir son enfant, mais il veut parler aussi à son enfant, c'est bien entendu. C'est qu'il est son enfant, il va lui parler encore bien plus. Puis là, il va avoir un dialogue, c'est pas, il ne va pas juste parler, il va aussi se faire parler, dans le sens que la personne va lui répondre, puis il va avoir une communication. Donc, il veut parler, et remarquez bien ce qu'il dit au verset 1, ainsi par l'Éternel des armées, ce peuple, oh, ça c'est pas drôle, ça, quand il dit ça, ce peuple, dis pas mon peuple, ce peuple, ça nous dit beaucoup. Donc, il s'adresse à des gens que lui ne considère pas comme son peuple. Une fois, il va dire à Moïse, « T'es bien mieux de les emmener loin de moi parce que je vais tous les tuer. » Il sonne dans le désert. « Amène-les parce que moi, je vais les détruire. » Les gens pensent que Dieu est bonasse. Dieu n'est pas bonasse. Hein? Dieu n'est pas bonasse. Il est bon, mais il n'est pas bonasse. Hein? Mm-hmm. Mais les êtres humains pensent qu'ils peuvent faire n'importe quoi, puis que Dieu, il est bon, il accepte ça, c'est pas grave, il est bon. Dieu est bon. C'est presque comme si Dieu, on peut lui faire n'importe quoi, puis il va juste continuer pareil. Non, Dieu n'est pas comme ça. En tout cas, c'est pas ça qu'on voit dans la semaine, ni dans le nouveau. Et Dieu n'est pas comme ça. Donc, il va s'adresser à un groupe d'hommes et de femmes, à un peuple, et il va s'adresser à lui, puis il va l'appeler à venir à la bonne priorité dans la vie. On voit ce que c'est pour lui. Mais vu qu'il ne peut pas s'adresser à des êtres humains directement, il s'adresse à des êtres humains à travers un prophète, qui est le prophète, ici, le prophète Agé. Et dans l'Ancien Testament, c'était la méthode. Dieu parlait par les prophètes, et c'était le moyen que Dieu avait choisi à ce moment-là. Aujourd'hui, Dieu parle encore par des hommes. On ne les appelle pas tout le temps des prophètes, mais ça revient à la même chose. Dieu va s'adresser à le monde à travers des prophètes. Et les prophètes, dans ce cas-là, ça va être nous, l'Église. On est des prophètes, on est des proclamateurs. On se tient entre Dieu et les hommes. Le prophète, c'est quelqu'un qui se tient entre Dieu et les hommes. Donc, il fait l'intermédiaire entre. Dieu parle à lui, lui parle à l'autre. Donc, Dieu ne s'adresse pas directement aux hommes, il s'adresse à travers un prophète. Dans ce temps-là, il y avait une communication directe, par soit des songes ou des rêves ou des visions. Dieu parlait comme ça, et là, le prophète partait et allait le dire aux autres. Aujourd'hui, c'est un petit peu différent, mais c'est le même rôle. Dieu ne nous parle pas de la même manière, mais on a le même rôle d'aller parler aux autres de la part de Dieu. Donc, Dieu avait quelque chose à dire à Israël, et ce qu'il va lui dire, c'est pour l'emmener à changer. Changer d'attitude envers lui. Nous, en tant que catholiques, on a été élevés à changer de fonction de faire les choses. Arrêter de pécher, ne gardez pas de mentir, ne gardez pas les filles, ne gardez pas les gars, ne volez pas. On a été instruits à changer notre comportement. Ça va pas ni qu'une tête. C'est ça qu'on ne réussit pas pantoute, parce que Dieu n'appelle pas les gens à changer de comportement, il les appelle à changer d'attitude envers lui. Dieu prend ça personnel à lui. C'est que Dieu va appeler les êtres humains, ces êtres-là, ce peuple-là, à revenir à lui, pas à arrêter de faire certaines choses qui sont la manifestation qui se sont détournées. Et il ne faut pas changer les manifestations, il faut changer le problème en arrière. Donc, Dieu parle et veut s'adresser à Israël parce que le peuple ne fait plus ce qu'il devrait faire. Et là, il veut les appeler à venir à lui. Donc, on va voir comment il va leur dire ça. Il va s'adresser à Agé, mais Agé va le dire, mais il va s'adresser, lui, aux dirigeants. Et la plupart des prophètes dans l'Ancien Testament s'adressent aux dirigeants du peuple qui vont diriger le peuple après ça. C'est pour ça qu'il va s'adresser à Zorobabel et à Josué, qui sont les dirigeants politiques. Zorobabel est gouverneur. Josué est le chef spirituel, souverain sacrificateur ou sacrificateur. Il va s'adresser à eux autres pour leur parler et qu'eux autres vont pouvoir l'adresser au peuple après ça. Il commence toujours en s'adressant aux dirigeants, aux ceux qui sont à la tête. Là. Il s'adresse à eux autres qui sont les gens influents. Parce qu'un prophète va avoir de la misère à atteindre tout le monde. Mais il sait que si les dirigeants changent de direction, les gens ils vont emmener le peuple ensuite. C'est pour ça que tout à l'heure, les prophètes vont toujours s'adresser au roi. Dans cette semaine, souvent au roi, aux anciens, aux sacrificateurs. S'ils ne le font pas, ils vont probablement aller vers le peuple. Le peuple va aller, va enlever le roi, puis va enlever le sacrificateur, puis ça va recommencer. Parce que si tu as 5 millions de personnes à atteindre, tu as une personne seule, tu ne peux pas faire ça. Il faut que la pyramide se mette en marche. Le roi, les sacrificateurs, ça va descendre, mais ça en allait. Et c'est pareil, nous autres, dans nos sociétés, on fait la même chose, là. La même affaire dans nos sociétés. Et ce que j'ai entendu, c'est pas marqué dans la Bible, ce que j'ai entendu d'un nommé Lloyd Jones, qui s'appelait, un théologien anglais, d'Angleterre. Lui, il disait que dans une génération donnée, aujourd'hui, dans une génération, mettons, 1950 à l'an 2000, il y a à peu près juste une dizaine d'hommes qui influencent l'Église de toute la Terre. Pas plus que ça. On voit la pyramide, hein? Ces hommes-là influencent des grands dirigeants des pays qui sont chrétiens, qui vont influencer des hommes qui vont enseigner dans les séminaires, qui vont influencer les pasteurs, qui vont influencer les églises. Ça fait comme ça. Il disait ça, il y a à peu près juste une dizaine d'hommes qui influencent le monde, spirituellement parlant, aujourd'hui encore. Nous autres, on pense qu'on est très autonome, puis qu'on est correct, puis qu'on est capable de diriger. Mais j'entends tellement vite de chrétiens s'isoler, puis penser qu'ils sont capables de vivre la vie chrétienne tout seul. C'est de l'orgueil bien mal placé. On est toujours influencé par quelqu'un. Moi, j'étais influencé par quelqu'un qui a été influencé par quelqu'un qui a été influencé par quelqu'un qui a été influencé par quelqu'un. C'est comme ça que ça fonctionne. Ça va toujours être de même que ça fonctionne. Okay? Dieu, même si on a la Bible sur papier, utilise encore des hommes pour influencer le monde dans lequel nous vivons. Donc, c'est nouveau. Je l'ai juste dit souvent. Il y a plein de chrétiens qui ont de la misère avec ça. Dieu n'a pas donné des Bibles à l'Église, il a donné des enseignants à l'Église. Les Bibles, c'est nouveau que l'Église a des Bibles, dans le sens que tous les chrétiens ont des Bibles. Ils n'avaient pas avant. Ça fait juste une centaine d'années, pas plus que ça. Que même s'il y en avait eu, il n'aurait pas été capable de le lire parce qu'il ne savait pas lire encore. Pas du temps. Donc, c'était Dieu, des hommes, que, gars comme l'apôtre Paul, mettons, prenons l'exemple de l'apôtre Paul, c'est dans le Nouveau Testament. Mais comment est-ce qu'il a influencé le monde, lui? De tous ces Timothée, puis ces Luc, puis ces gens qui ont travaillé avec lui, qui ont finalement influencé Théophile, puis Théophile a influencé d'autres mondes, ça descend toujours dans l'air, c'est toujours comme ça. Dieu se sert d'êtres humains pour parler à d'autres êtres humains. Ça sert trop facile de passer dans toutes les maisons de Mont-Tremblant, leur donner chacune une Bible, puis dire « Nous avons fait notre job, l'Église. On a donné une Bible à tout le monde. » Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Quasiment tous les foyers ont des Bibles maintenant. Puis on est plus athées qu'on n'a jamais été, si on peut dire ça comme ça. Ça n'a pas changé le monde de l'imprimer. Ça l'a rendu disponible à ceux qui veulent la lire, ceux qui veulent la voir, ceux qui sont déjà intéressés. Là, les autres, ça leur donne une opportunité. Mais ceux qui ne sont pas intéressés, tu sais, il y a plein de livres, moi, en électricité, en bibliothèque, je n'en ai jamais lu un. Ça ne m'intéresse pas. Okay, dans ce sens-là. Donc, ici, Dieu va parler comme ça, un homme âgé, deux hommes, Zorobabel et Josué, qui, lui, espère, vont influencer le peuple aussi, par après. Okay? Donc, Dieu fait toujours ça. Et Dieu, dans l'Église, va faire la même chose. Hein? Il va s'adresser à l'Église pour s'adresser au monde. Dieu n'utilise pas les autres affaires que l'Église pour atteindre le monde. C'est pour ça que dans tous les moyens d'évangélisation qu'on a aujourd'hui, même si on atteint des millions de personnes par jour avec toutes sortes de moyens de l'Évangile, c'est juste 1 ou 2% de personnes qui vont se convertir comme ça. 98-99% des gens se convertissent parce que quelqu'un leur a parlé. Pas parce qu'on lit un livre, c'est pas parce qu'on lit la Bible chez eux tout seul, c'est pas parce qu'on a écouté la télévision ou à la radio. Ça marche presque pas. C'est des gens qui parlent avec d'autres gens. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, Dieu l'a voulu ainsi, et je crois que c'est comme ça que ça fonctionne. Ça va fonctionner même jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à la fin des temps. Parce que quand on lit l'Apocalypse, Dieu s'adresse encore des hommes par d'autres hommes. C'est comme ça. Donc, on ne peut pas penser que Dieu va faire ça autrement. C'est comme ça qu'il le veut. C'est pour ça qu'il dit à ses disciples, allez par toute la terre. Donc, c'était le moyen. On a des moyens qui peuvent nous aider, mais ça ne prendra jamais notre place. Jamais notre place. Et là, il veut les amener à la bonne priorité. D'abord, il leur parle pour les amener à la bonne priorité. Et il va s'adresser au chef de la nation pour ramener le peuple à les bonnes priorités. Et finalement, il va parler de cela. Il va s'adresser, il va parler du sujet comme tel, de la bonne priorité. En parlant de la maison de Dieu. Ainsi parle l'Éternel des armées, ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. Il dit, c'est pas le bon temps pour bâtir la maison de Dieu. Les peuples disaient ça. Pourtant, il était revenu pour ça. Puis là, pour des raisons quelconques, ils vont dire que c'est pas le bon temps. L'être humain est tellement bon pour se convaincre. On est tellement bon pour se convaincre de ce qu'on veut avoir, là, de nos affaires. Et il y a toutes sortes de raisons, puis si on lirait d'autres livres de l'Ancien Testament, ils vont donner toutes sortes de raisons. Ah, les rois, puis là, on a d'autres ici, puis là, on a eu de la misère, puis là, on est en esclavage, puis là, on revient ici. Puis, en tout cas, il y avait toutes sortes de belles raisons qu'on pourrait donner, là. Et quand on ne veut pas faire de quoi, on trouve toujours des raisons pour ne pas le faire. Hein? Moi, j'ai comme conviction personnelle, l'être humain fait toujours ce qu'il aime. Parce que la Bible nous appelle des égocentriques. On fait toujours ce qu'on aime. Ils disent, ouais, moi, je n'ai pas le choix. On a toujours le choix. On a toujours le choix. C'est pour ça que Dieu va nous dire, rends compte. Si on n'avait pas le choix, Dieu ne pourrait pas nous rendre compte. Il ne pourrait pas nous dire, rencontre, parce qu'il va dire, ben, c'est pas, j'aurais pas le choix, c'est pas de ma faute. Il va dire, ah, ouais, ah, oui, c'est toi. Là. J'ai pas le choix des circonstances de ma vie. J'ai pas le choix où est-ce que je vais naître. J'ai pas le choix quel âge je vais mourir. Mais j'ai le choix comment je vais réagir dans tout ça. J'ai le choix, là, s'il tombe deux pieds de neige le matin, comment je vais réagir devant la tempête. Ça, j'ai pas le choix de la tempête, elle est là. Mais comment je vais réagir maintenant? OK? Donc, et c'est l'être humain a des choix. C'est pour ça que Dieu les interpelle ici. Pourquoi est-ce que vous dites, le temps n'est pas venu de bâtir? Pourtant, il avait commencé à bâtir. Il a commencé à bâtir. Ils ont arrêté. Si vous lisez d'autres, ils ont toutes sortes de problèmes. Il y a des gens qui sont venus, si vous lisez, des gens qui ont venu les arrêter, des gens qui ont voulu. Parce qu'il y avait des gens qui vivaient là depuis 70 ans, là. Quand les autres sont arrivés d'Israël, sont arrivés, et ils ont pris possession de leurs affaires. Et là, les gens se sentaient bousculés un petit peu. Fait qu'il y a eu toutes sortes d'objections, toutes sortes de problèmes qui sont survenus pendant qu'ils bâtissaient, et ça a justifié le fait qu'ils ont arrêté. Ils ont abandonné la tâche que Dieu les avait envoyé faire, de rebâtir le temple. Parce que c'était ça le but, aller rebâtir le temple. On vous a donné des ustensiles pour le faire, on vous a donné de l'argent pour le faire, allez faire ça. Et là, ils ont arrêté. Ils ont arrêté et Dieu dit, pourquoi vous êtes arrêté? Je vais vous lire un passage qui parle de Esdras, parce qu'Esdras est au même moment qu'Agée, ou à peu près le même moment. La première année de Cyrus, le roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qu'il fit faire de vive voix et par écrit publication dans tout son royaume. Ainsi par Cyrus. OK? Cyrus Darius, en même temps. roi de Perse. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre. Et il m'a commandé de lui bâtir une maison en Jérusalem, en Juda. Donc Dieu a pris un roi païen, puis lui a révélé, lui a dit, « Je veux que tu me bâtisses une maison à Juda, ma maison, mon temple. Qui d'entre vous qui êtes de son peuple, okay, que de son Dieu soit avec lui, et qu'il monte à Jérusalem, en Juda, et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Dans tout lieu où séjournent des restes du peuple de l'Éternel, les gens du lieu leur donneront de l'argent, de l'or, des effets, du bétail, avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. » Donc la raison de venir, la raison que Cyrus a laissé partir ses esclaves, parce que c'est à ses esclaves, ces gens-là, c'était que Dieu avait dit à Cyrus, « Laisse aller mon monde pour qu'il aille bâtir ma maison. » Donne-leur des argent, donne-leur de l'or, donne-leur des bétails, donne-leur tout ce que tu voudras, et renvoie-les là-bas. Donc ça, ça s'est passé à peu près là, une trentaine d'années avant Agé. Et si vous voulez lire plus loin, vous pouvez lire Ézéchiel, chapitre 40 à 48, parle de la même chose. Daniel, dans le chapitre 9, parle de la même chose. C'est tout le temps ça. Dieu, il dit, je vais vous libérer de votre esclavage, d'où ce que vous êtes là, sous le monde païen. Je vais vous retourner dans votre pays, mais avec un but. Bâtir ma maison. Bâtir ma maison. C'était ça la priorité. Et c'était ça tout le temps. Quand Dieu a délivré Israël de l'Égypte, il a dit, je vais vous délivrer afin que vous alliez là-bas me servir. Ce n'était pas le pays de Canaan. Dieu n'a pas été récompensé Israël pour ses bonnes années en Égypte qui avaient été bien gentilles. Il ne faut pas se leurrer, c'est pas ça que c'était l'histoire. Là. Parce qu'ils vont traverser le désert pendant 40 ans en tant que rebelles, puis ils vont arriver au pays de Canaan, puis ils vont être idolâtres encore. Mais il y a toujours une petite gang là-dedans qu'ils font. Donc Dieu n'a pas été les récompenser en disant, je vais vous donner la terre promise parce que vous êtes tellement gentils. Ben non, ben non. Dieu dit, je vais vous ramener dans ta promise parce que je voudrais que vous soyez là et que vous allez bâtir un temple et vous allez me servir. Dieu, c'est toujours la même chose, toujours la même raison. Il veut seulement un peuple pour se faire servir. Et dans le désert, c'était la même chose. Après l'exil, si vous lisez toute l'Ancien Testament, il y a juste un but. Avoir un peuple qui le sert. Avoir un peuple qui le sert. D'abord, il avait créé Adam et Ève, pour ça, se l'adorer, servir, puis ils ne l'ont pas voulu. Ils l'ont péché contre lui, puis ils ne l'ont pas voulu. Et Dieu dit, maintenant, j'aimerais que vous reveniez, je vous donne une opportunité de revenir et de le faire. Et si vous lisez Ézéchiel 36, vous allez voir que Dieu, dans le prophète Ézéchiel, il leur dit de revenir, puis avant qu'ils reviennent, il leur dit, je sais que vous ne serez pas capable. L'être humain n'est pas capable de faire ça. Dieu invite à revenir, mais l'être humain n'est pas capable. C'est pour ça qu'il va faire une nouvelle alliance. L'être humain n'est pas capable. La preuve, c'est ici qu'Agé, 38 ans plus tard, sont là, à Jérusalem. Dieu leur a donné tout ce qu'ils ont besoin pour bâtir le temple, la liberté, l'appui du roi, l'argent, tout ce qu'ils ont besoin pour le faire. Et ça n'a pas pris même une génération. Ils ont tout arrêté cela. Ça, c'est l'être humain. L'être humain est comme ça. C'est pour ça que des fois, on pense que si Dieu nous donnerait ce qu'on veut, de l'argent, donner la liberté, s'il nous donnerait ci, donnerait ça, on serait plus reconnaissant envers Dieu. Mais c'est pas vrai. Ici, Dieu leur donne tout ce qu'ils ont besoin pour rebâtir la maison. Et les autres arrêtent, ils vont rien savoir. Ils vont prendre ce que Dieu leur a donné pour bâtir, puis ils vont faire autre chose avec. C'est pareil comme, ça nous fait penser un petit peu à la parabole de l'enfant prodigue dans le Nouveau Testament, où est-ce que son père lui donne sa part d'héritage, et il lui se prend ce qu'il a, puis il s'éloigne de son père, puis il va faire un paquet d'affaires que son père ne veut pas qu'il fasse avec. L'être humain est comme ça. L'être humain se sert de ce que Dieu a créé pour l'être humain puisse le reconnaître comme Dieu et le servir et l'adorer. Il s'en sert pour maudire Dieu et s'éloigner de Dieu. Et c'est la maladie du péché. C'est la maladie du péché. Le péché ne peut pas faire autre chose que ça. Il ne peut pas faire. Et Dieu dit, d'où est-ce que vous avez été chercher ça? Où est-ce que vous avez été l'idée que ce n'est pas le temps de faire ça maintenant? Où est-ce que vous allez chercher ça? La semaine prochaine, on va voir ensemble qu'est-ce qu'ils font. Parce que si on ne fait pas ce qu'on devrait faire, si on n'a plus la bonne priorité, qui était de bâtir le temple, on a d'autres priorités. Alors, nous autres, d'accord? Hein? On ne s'est pas mis sur le nœud pour faire rien, là. Ces gens-là ont fait d'autres choses, là. Et c'est ce qu'on voit la semaine prochaine, c'est qu'ils vont s'enligner, puis ils vont faire autre chose. Ils vont utiliser ce que Dieu leur a donné, ils vont faire autre chose. Hein. Mais la bonne priorité pour Dieu, c'était bâtir le temple. C'est pour ça. Et qu'est-ce qu'on faisait dans le temple? On chantait des louanges, on adorait Dieu, on rendait grâce à Dieu, on servait Dieu. Les temples, c'était fait pour servir le Dieu qu'on honorait. C'était une façon visible de manifester notre connaissance, notre appartenance à ce Dieu-là. Et dans toutes les religions, c'est la même affaire. Leur temple sert à ça, là, à quelque part. Ça démontre quel Dieu qu'ils ont, comment est-ce qu'ils les perçoivent, comment est-ce qu'ils font ça avec ça. Donc, et Dieu dit, je veux que vous retourniez là-bas et que vous bâtissez mon temple. Et ils ne l'ont pas fait. Et ont décidé que ce n'était pas le bon temps. Et comment ils sont arrivés à cette conclusion-là, on va le voir la semaine prochaine dans ce sens-là. Pour nous, les chrétiens qui sommes scoutés ici, c'était la même chose pour nous autres. Même chose pour nous autres. En tant que non-croyants, notre priorité, ce n'était pas Dieu. Il y avait autre chose, en tout cas. Hein? C'était nous-mêmes. On n'a pas d'autre choix. C'est Dieu ou non, nous. Et Dieu nous a... on avait mis de côté aussi la priorité. On avait dit que ce n'était pas le bon temps. On avait autre chose à faire. On était plus préoccupé par autre chose, plus pressé par autre chose. On s'adressait à ce Dieu-là de temps en temps pour qu'il nous aide à faire ce qu'on voulait faire. J'ai envie d'aller me payer quelque chose, donc je vais prier que Dieu me donne, fasse gagner la loto. Il y a des chrétiens que je connais qui prient que Dieu leur aide à gagner à loto. Je ne sais pas c'est quoi leur intention, mais en tout cas, ils veulent que Dieu les aide à faire ça. Et qu'est-ce qu'ils vont faire avec le million, mais qu'il a gagné, ou le 14 millions, ou le 20 millions, ou le 100 millions, je ne sais pas quoi. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec? Je ne suis pas sûr qu'ils vont bâtir le temple de Dieu avec ça. Pas sûr. Et s'ils le font, gloire à Dieu. Je ne suis pas sûr que c'est la raison fondamentale qu'ils voudraient gagner à la loto. D'autres veulent avoir tout. Ce qu'on demande à Dieu reflète la raison de notre vie chrétienne. J'étais allé voir deux chrétiens cette semaine. Puis la question qu'ils m'ont posée, c'était pourquoi est-ce qu'on doit prier? Pourquoi est-ce qu'on doit prier? Si Dieu fait ce qu'il veut, pourquoi est-ce qu'on doit prier? Si Dieu ne nous donne pas ce qu'on demande, pourquoi est-ce qu'on devrait continuer à prier? Voyez-vous? Ça nous dit beaucoup. Je crois qu'ils sont chrétiens. Ils ne comprennent pas, à quelque part, ils n'ont pas compris quelque chose. Mais pour eux autres, la prière, c'est pour eux, pour avoir quelque chose de Dieu, pour leurs besoins personnels, leurs rêves, leurs ambitions, leurs priorités à eux. Puis là, bien, on a passé une partie de l'après-midi à essayer de les expliquer que c'était pas bien que ça fonctionnait. J'ai dit, Dieu a une priorité, puis elle ne changera pas. T'as beau te mettre les genoux au sang, à monter des marches, à quelque part, et il ne changera pas sa priorité. Dieu a une priorité, puis il y a toujours la même, il y aura toujours la même jusqu'à la fin des temps, puis dans le ciel, il va y avoir quoi la même. Dieu ne change pas de priorité. Et il dit au peuple ici, il dit, d'où est-ce que vous avez eu l'idée que ce n'était pas la priorité de bâtir ma maison? Puis nous autres, on, en tant que chrétiens, je crois que dans ce côté-ci de la Nouvelle Alliance, quand on appelle le peuple, le monde, quand on les appelle à se convertir, est-ce que dans notre tête, on les appelle à revenir à la bonne priorité? on les appelle à aller au ciel. Moi, j'ai été évangélisé comme ça. Moi, je n'ai pas peur de le dire, j'ai été évangélisé comme ça. On m'a évangélisé pour que j'aille au ciel, mais que je meure. C'est devenu la priorité. Dieu était là pour moi, pour que moi, je puisse aller au ciel quand je vais mourir, pour pas que je souffre en enfer. C'était comme ça que j'ai été évangélisé. Est-ce que c'est ça la priorité de Dieu? Non, c'est pas ça la priorité de Dieu. Ça, c'est pour accomplir la priorité de Dieu. OK? Me sauver, ça, c'était pour que lui, sa priorité s'accomplisse. C'est pas moi la priorité. C'est que le salut est un moyen pour que j'accomplisse la priorité que lui avait. Sans ce salut-là, je ne peux pas faire la priorité. Je ne peux pas bâtir la maison de Dieu. Je ne peux pas devenir, parce que dans le Nouveau Testament, gloire à Dieu, c'est nous qui devenons la maison de Dieu. Okay? C'est nous qui devenons. On est le temple de Dieu. Donc, je ne pouvais pas devenir le temple de Dieu pour faire ma priorité d'adorer Dieu, servir Dieu. Je ne pouvais pas le faire. C'est pas qu'il dit, je vais faire de toi mon temple pour que tu puisses me servir. Et est-ce que c'est comme ça qu'on évangélise? C'est important de se poser la question pour nous autres-mêmes. Bon, non, si notre priorité, c'est autre chose. Et notre vie de prière, c'est la même chose. Moi, personnellement, je dis, si on n'a pas la bonne priorité, on doit se poser la question si on a le bon salut. Si on a le bon salut. Parce que le salut qui nous a été accordé, c'est pour accomplir la bonne priorité. Bâtir le temple de Dieu, qui est aujourd'hui un temple spirituel, hein, un temple des pierres humaines. Mais c'est toujours la même priorité, bâtir le temple. Et si, pour une raison quelconque, on arriverait à dire, comme ces juifs-là, comme ces gens-là, c'est pas le bon temps de bâtir la maison de Dieu. Mais là, le sermon s'adresse à nous, c'est vrai. Okay? Le sermon qui s'adressait à eux autres s'adresse à nous, en tant qu'individu ou en tant qu'Église. Si l'Église de Mont-Tremblant ou l'Église du Québec n'a plus cette priorité-là, hein, de bâtir la maison de Dieu, on a un sérieux problème. On a un sérieux problème. Il faut faire attention de ne pas juste penser parce qu'on va à l'Église puis que on évangélise pour que les gens aillent au ciel, que c'est ça. Il faut vraiment s'aligner et dire, la priorité de Dieu, est-ce que c'est ça? La priorité de Dieu, c'est d'avoir un temple pour se faire servir. Ou un peuple qui bâtit le temple. Ben, Jésus, qu'est-ce qu'il fait présentement? Jésus est occupé juste à une chose, lui. Bâtir son Église. Son Église, c'est le temple de Dieu. Jésus avait la bonne priorité. Voyez-vous? Il avait la bonne priorité. Bâtir le temple de Dieu. Qui était nous, chacun de nous est une pierre. Et maintenant, il dit, ce que je veux que vous fassiez, je ne bâtis pas ce temple-là pour que vous vous sentiez bien, je bâtis ce temple-là pour que vous adoriez le Dieu que je suis venu pour que vous puissiez le servir, ce Dieu-là. Donc, ce que ça fait, ça détourne, ça fait d'un salut centré sur l'homme, ça devient un salut centré sur Dieu. Dieu me sauve pour lui, au lieu que Dieu me sauve pour moi. J'ai déjà dit une fois, il y en a qui étaient venus me voir après l'enseignement. Dieu n'est pas mort, Jésus n'est pas mort sur la croix pour me sauver, il est mort sur la croix pour servir Dieu. Il est mort sur la croix pour que le peuple de Dieu soit sauvé, pour que Dieu ait un peuple pour le servir pour l'éternité. C'est ça qui est le but. Il faut toujours garder ça dans notre tête. La priorité ici, que Dieu avait sauvé ce peuple-là de l'esclavage, puis l'amener à Israël, le but c'était de bâtir. De bâtir le temple de Dieu. Donc, la question que nous, on se pose, que chacun de nous, c'est, est-ce que c'est ma priorité? Cette priorité-là va se refléter dans toutes les actions de notre vie. Dans toutes les actions, ça devrait se refléter dans toutes les actions de notre vie. Quand c'est ça ma priorité, moi, je pourrais vous dire, une priorité humaine que j'ai présentement, c'est de me retourner par chez nous. C'est mon but dans quelque temps. Et si vous me verriez vivre, ça fait partie de mes actions de tous les jours. Je suis au téléphone, mes travaux, sur Internet, parler avec des gens. Ça fait partie de ma vie, parce que c'est ça maintenant qui m'en va dans cette direction-là. Mais la question que je dois me poser, moi, c'est, est-ce que ce cheminement-là va servir à bâtir le temple de Dieu? Bon, si je m'en vais là-bas pour moi, bon, si je m'en vais là-bas, ça fait-tu, dans ma tête, ça fait-tu partie du plan que j'ai pour mieux servir Dieu ou de servir Dieu? Il y a millions de façons de servir Dieu. Puis c'est moi, je n'ai pas à juger votre façon, vous n'avez pas à juger ma façon. Mais on doit s'encourager à le faire chacun de nous. À se motiver, hey, je tentais de bâtir la maison de Dieu. Et moi, je vous dis, il y a quelqu'un l'autre jour qui m'a demandé à l'école, mais qu'est-ce que tu fais ici, François, toi, à faire un cours d'agriculture? Je n'ai pas dit ma raison fondamentale, parce qu'il ne comprendra pas. Mais ma raison, la seule et unique raison, c'est que je voulais être là parce que je voulais parler des inconvertis pour bâtir le temple de Dieu. C'est la seule raison, il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre. C'est si un jour je peux gagner ma vie avec ça, verrons bien. Mais si demain matin, on me dirait, François, ça ne sert plus à rien, cela, là, j'ai l'impression que j'arrêterai tout de suite et je ferai d'autres choses. Parce que mon but, ce n'est pas d'avoir une job seulement. Si, je dois avoir une job, mais en même temps, servir le peuple de Dieu. La sorte de job que je vais faire n'a pas d'importance. Pasteur ou horticulteur, ça ne change rien. Ça ne change absolument rien. Ça va être le même job. Il y a un monsieur qui m'a appelé. Il dit, François, j'ai entendu dire, tu t'en allais par chez vous, puis tu vas devenir un horticulteur. Tu vas-tu encore servir Dieu? Voyez-vous, c'est la mentalité qu'on pense. C'est un chrétien qui nous demande ça, là. Ben, je dis, pauvre toi, si je ne sers plus Dieu, je dois me poser la question si je suis un chrétien. Ben oui, je vais servir Dieu pareil. Que ce soit à Mont-Tremblant ou à Victo, ça change quoi dans la vie, ça? Donc, la question que je me pose, c'est est-ce que, selon ma compréhension, humainement, on est toujours faible, mais est-ce que, je crois que personnellement, que dans les quelques années qui s'en viennent de ma vie, je vais mieux servir Dieu à Victo qu'ici? C'est ce que je crois personnellement. Dieu, dans sa grâce, va m'utiliser comme il l'entend bien. Mais dans ma tête, c'est ça que je pense. Hein. Il y a toujours le danger qu'on se convainc soi-même, comme ces gens-là, c'est peut-être pas le bon temps, mais on prie que Dieu, par son Esprit Saint, nous montre, nous convainque, de, si on se trompe, de nous montrer. Mais mon but, c'est ça. Donc, chacun de nous, quand on fait des choses, que ce soit élever nos enfants, avec nos maris, avec nos femmes, quand on va travailler, on a juste un but, bâtir le temple de Dieu. Et ça devrait être là. Mais vu qu'on est imparfait, ben non, on s'aperçoit très bien des fois que Dieu nous parle, il nous ramène, puis on doit être là, chacun de nous, en tant que peuple de Dieu, pour s'encourager à garder la bonne priorité. Quand on voit que les autres s'éloignent, hey, on devrait revenir. La bonne priorité, c'est ça. La bonne priorité, c'est ça. Parce que c'est ça que Dieu veut faire ici, là, à travers. Hey, revenez. Là. Vous avez commencé à bâtir. Revenez. Revenez. Et on va voir la semaine prochaine que quand ce n'est pas Dieu, c'est quelqu'un d'autre. Si on ne sert pas Dieu, on sert quelqu'un d'autre. Il n'y a pas personne sur la terre qui est sur une note. On sert toujours quelqu'un. Donc, c'est ce qu'on va voir la semaine prochaine ensemble.